C'est débile, ma ville. Quand tu visites les autres, tu reviens, tu dis, c'est merveilleux, ma ville. Ta ville n'a pas changé. Donc, si ta ville était débile avant, peut-être encore débile maintenant. Bon. Mais pour être centré, il faut s'aimer, arriver à s'aimer soi-même. L'être humain ne s'aime pas. Étant donné que l'être humain ne s'aime pas, l'être humain va évaluer l'amour qu'il pourrait porter sur lui en fonction de sa capacité d'appliquer de l'amour sur l'extérieur. Alors, l'humain, par exemple, va finir par donner de la valeur au mot amour. Alors, si vous n'avez pas de valeur selon vous, ben vous ne vous aimez pas. Donc, à un moment donné, je devrais me donner de la valeur. Et la seule façon de me donner de la valeur, vu que je me connais en fonction des autres, c'est si les autres me donnent de la valeur. Mais ça, c'est pas... on n'est pas centré à ce moment-là. Ben non, c'est bien évident. On est normal, mais on est malheureux, on est pas centré. Alors, pour que les autres me donnent de la valeur, je devrais réussir des examens, être performant en sport, avoir une idée de génie, écrire un livre qui va se vendre, être beau physiquement. Il va falloir que quelqu'un me dise quelque chose pour que ça me donne de la valeur. Mais ce qui est embêtant, c'est que dans ce que tu dis, c'est que quand on n'est pas centré, c'est que notre point de référence, c'est jamais nous, c'est toujours l'extérieur, c'est toujours les autres, c'est toujours autre chose. C'est un mot de problème. Ben, c'est ça. C'est on est toujours à la merci de la pluie du beau temps, puis de l'opinion des autres, puis de tout. Non, la pluie du beau temps n'a rien à voir là-dedans. Le dé de l'extérieur, c'était une façon de... OK. C'est une image. Une image, merci. C'est pour ça qu'à un moment donné, on n'est plus sur la corde de raide, puis on s'en va soit chez Lucifer ou chez Satan. On s'en va... Non. Quand on réussit bien à se centrer, quand on a la phase critique, là, on explique grosso modo la phase critique, puis après ça, on pourra voir différentes phases critiques, puis la prochaine conférence, le sujet, on verra aussi différentes autres phases critiques. Là, on voit le grosso modo de la phase critique. Quand l'être humain réussit bien sa phase critique, il se centre dans son intelligence. Même s'il y a d'autres parties de sa conscience qui ne sont pas centrées encore, ils vont être centrés dans d'autres phases critiques, l'humain se centre. Ça veut dire que l'humain n'est plus ni luciférien, ni satanien. L'humain n'est pas spirituel, l'humain n'est pas matériel. Par exemple, l'humain n'ira pas aider quelqu'un parce que la personne, il la trouve belle physiquement. Ce ne sera plus un critère pour aller aider. L'humain n'ira pas aider quelqu'un pour faire une bonne action. L'humain ne dira pas, « Ah, je l'aide pas, il ne connaît pas. » Tous ces critères humains-là vont tomber progressivement au fur et à mesure que l'humain va se centrer dans son intelligence. L'humain va gérer sa vie d'une façon totalement différente. Quelqu'un a besoin d'aide, il est sur ton chemin, tu vas vibrer, que tu l'aides ou que tu l'aides pas. Ça va être clair. Tu vas accomplir. Il n'y a pas besoin de raison. Il n'y a pas besoin de raison. Mais actuellement, ce n'est pas ça qui se passe. Non, on décrit une période critique réussie, là, mais d'après ce que moi je peux voir, c'est très rare qu'ils sont réussis. Puis c'est, ça donne que. Période critique. Tous mes intervieweurs ont eu des mauvaises expériences avec la vie. Ah, bien, j'observatrice aussi. Puis, ah bon? Puis c'est ça, là, parce que là, on parle d'une période critique réussie. Mais une période critique ratée, c'est quoi? C'est quand. C'est, bon, c'est, je sais c'est que c'est. C'est de l'homme, ça, je pense que. Ben oui, c'est ça, je sais. Juste regarder les nouvelles, là. Des nouvelles, des petites nouvelles en plus. Oui, mais c'est parce que toi, tu parles que dans une période critique, nécessairement, ça prend de la conscience. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la période ça critique... Ça pourrait amener. C'est qu'il y a, quand l'humain a une prise de conscience, donc quand l'intelligence vient... Le chatouiller. 3 ou 4 neurones dans le cerveau humain, l'humain a un éclatement de conscience. Dans son éclatement de conscience-là, il ne peut pas, ce qu'il conscientise, ne peut pas être expliqué par la voie matérialiste, ni par la voie spiritualiste. Alors, l'humain a l'impression, parce que l'être humain est supporté par une des deux voies ou les deux, rien d'autre. La science, c'est matérialiste, et la philosophie, c'est spiritualiste, etc. L'amour, ça va ensemble. L'ère nouvelle, c'est spiritualiste au niveau de la cognition humaine. Lorsque l'humain a une petite étincelle de conscience, tout ce qui fait partie du spirituel ou de la matière ne peut pas expliquer ce qu'il vit. Donc, il est confronté à une crise. C'est une période critique pour la simple raison que l'être humain n'a pas là suffisamment de conscience, mais il y a une ouverture dans sa conscience, il y a une petite conscientisation, une conscientisette, qu'on dit. Bon, l'humain a une conscientisette et il n'a pas suffisamment d'énergie pour être capable de se passer d'un des deux supports, la partie spirituelle ou la partie matérielle. Donc, l'être humain qui a une petite conscientisation, qui... il veut couper les liens avec ces deux parties-là, il va planter assez raide. Il va se faire mal, pas mal. Ça veut dire qu'au début, il va aller chercher des références dans une des deux pour supporter... Non, il va essayer, mais probablement qu'il ne pourra pas. Là, il plante après ça. Il va se faire croire. C'est ce qu'un égo récupère. Les humains, ce qu'ils vont faire à un moment donné, c'est que le petit bout de conscience qui est apparu, puis qui les a amenés en période critique, c'est-à-dire qu'il les a amenés à se libérer, à se dégager, elle a disparu. Les deux, bien, elle reste un petit bout de temps... Mais vraiment pas longtemps, effectivement. Juste assez pour que tu puisses plus te retrouver. Tu n'as plus de conscience, plus de spirituel, plus de matériel. Là, il reste juste toi. Et le tout. Puis là, tu regardes ton frère qui s'en va jouer dans une affaire à sous. Tu regardes ta soeur qui s'en va à l'église. Puis tu les trouves niaiseux, toi et deux. La semaine passée, c'était elle qui te trouvait niaiseux. Parce que elle était d'abord au-delà de la semaine passée. Là. Mm-hmm. Mais là, tu ne peux plus. Puis tu fais quoi? Fait que là, normalement, ce qui va arriver, l'être humain va se mettre en quête. Donc, il va commencer il va faire une recherche. Il va chercher un autre plan spirituel, un autre plan matériel. Puis, de conscientisette à conscientisette, la lumière de la conscientisation. Quand l'âme de la conscientisation, il y a un interpréteur psychologique, puis une mécanique des consciences humaines, qui atténue les chocs des airs critiques. Cet ajusteur psychologique-là, c'est l'intellect. Le mental, quand c'est plus gros, l'ajusteur psychologique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des petits bouts de conscience, puis il va s'arranger pour les atténuer en leur donnant une coloration soit spirituelle, soit matérielle, rendue à un certain niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, votre religion ne vous convient pas, c'est la catastrophe totale, ça ne marche plus, il n'y a plus rien, ça, tout est stupide. Et puis, deux, trois jours après, eh bien, vous rencontrez, par exemple, quelqu'un qui fait partie d'une autre secte. Puis, ça, c'est la vraie voie. Mais là, vous allez vous dire, chez vous, par exemple, mettons, prenons l'exemple du mouvement raélien. Bon. Alors, à un moment donné, l'Église catholique, ça ne vous voit plus, il n'y a plus rien qui fonctionne, puis là, vous rencontrez un raélien, c'est facile à voir, vous allez voir. Si vous ne regardez pas où vous allez, vous allez vous frapper le nez sur une grosse affaire de métal. C'est là, c'est bon. Bon. Et puis, eux, ils vont vous expliquer scientifiquement la Bible. Puis là, vous allez embarquer là-dedans. Un alliage des deux. Oui. Puis là, vous allez croire à ça. Là, vous êtes toujours dans le côté spirituel. Mais l'intellect va avoir changé des mots. C'est un peu comme moi, je ne crois pas en Dieu, moi, je crois dans l'énergie cosmique. Bon, tu as pris des mots de la matière, puis tu les as mis à la place des mots spirituels, mais tu es toujours à l'être spirituel. C'est comme à un moment donné, il y a une personne qui demandait à quelqu'un dans une librairie ésotérique, est-ce que tu crois en Dieu? La personne a répondu, moi, je crois dans le sens croire. Non, mais c'est sa manière d'être heureuse, sa réponse. C'est pas de problème, là. Bon. Mais ça fait partie des mélanges qui font en sorte, à un moment donné, de récupérer les individus pour que ça ne se suicide pas. Ouais. Lorsque Lucifer n'est plus capable de rien faire, puis que le Satan n'est plus capable de rien faire, ben, il reste qui? Il reste l'homme, il reste vous. Mais ça, c'est une période. Bien plus puissant que Lucifer ou Satan, que la spiritualité ou la matière, sauf que l'être humain ne se connaît pas parce que l'être humain ne veut pas se regarder, parce que l'être humain ne s'aime pas. Parce que, savez-vous ce que vous êtes? Ce que vous êtes n'est pas évaluable. Et c'est le drame ici. Parce que ce que l'être humain est dans son intelligence, c'est de l'instantanéité. L'instantanéité souffre d'un gros défaut dans un contexte immémoriel. C'est toujours à refaire. Ça veut dire que si, par exemple, quelqu'un me dit, « Daniel, tu es le plus beau gars de la planète », puis que moi, je le crois, disons que je suis comme ça, bon, je le crois, j'ai bu un verre ou deux. Le problème, c'est que, bon, elle me nourrit, c'était merveilleux, c'est parfait. Le problème, ça venait que, là, je dis, ah, ben là, je m'aime. Mais le véritable amour est instantané. Donc, il n'est pas mémoriel. Il n'est pas mémorisable. Bon, oh, il va rester une trace. J'ai appris que j'étais le plus beau gars. Bon. Le lendemain matin, j'ai besoin encore qu'on me le dise. Puis toute ma vie, j'aurai besoin qu'on me le dise. Si l'humain arrive à se centrer dans son intelligence, ça, c'est instantané. Donc là, il n'y a plus besoin de rechercher qu'on vienne lui donner de la valeur parce qu'il n'en a plus besoin. Il est centré dans son intelligence, dans son cœur. Mais une fois qu'il est centré, il est-tu centré pour de bon? Oh oui, ça, c'est réglé. Bon. Bon, mais ce que tu décris là, le fait de ne pas être centré ou d'être centré ou dans matière ou non, pas être centré, d'être en attraction soit avec la matière, soit avec la spiritualité, puis être entre les deux, puis d'aller d'un à l'autre, pour jusqu'à aller à se centrer sur soi, ça me semble être la plus grosse phase critique de ce qu'on peut vivre finalement. Ça veut dire que on va, comme je te dis, reparler un peu plus tard des différents types de phases critiques que l'humain va vivre. C'est parce que je voulais amener d'autres choses, là. C'est que... Non, amène-donc l'autre chose. C'est parce que j'ai vu qu'il manquait de quoi, là. c'est que finalement, il y a quelque chose que il y a une, l'homme n'est pas capable de supporter. Il y a un poids, là, son intelligence, ça représente un poids. De pendant un certain temps, ça fait juste passer, mais il n'y a pas ce qu'il faut pour être capable de l'exprimer, de le supporter. Alors, il doit supporter pendant un certain temps du vide ou de l'ignorance. Ou de pas savoir, mais en même temps, de pas chercher à remettre ça sur ce qu'il savait. Il doit plus s'accrocher à comparer à sa religion ou à sa secte, dire, ça ressemble à ça, puis finalement, c'est pas si pire. Mais non, il faut qu'il supporte d'être dans le vide. Vois-tu ce que tu dis là? Ce que tu dis là est intéressant. La comparaison qu'on peut faire, mais évidemment, tous les gens ne connaissent pas tous le langage informatique, qui est un langage binaire. 0, 1. Ouvert ou fermé. On va quand même faire un petit parallèle, c'est assez facile à faire, en tout cas. À comprendre une autre chose. Ouais. Pendant longtemps, l'humain a appris à communiquer avec des mots. Bon, je suis assis présentement. Bon, il peut écrire ça sur un clavier de dactylo. À un moment donné, l'humain, il découvre l'informatique. L'humain doit faire un programme informatique, mais la machine fonctionne uniquement par mode binaire, 0 ou 1. Je suis assis sur la chaise. Comment a-t-il dit ça en mode 0 ou 1? Bon, on peut lui dire. Si la température dépasse 80 degrés, arrête le chauffage. Mais ça, la machine, on est capable de lui dire. Alors, il a fallu que certains humains inventent des langages interpréteurs. Le plus courant a été le BASIC, des langages interpréteurs. Il est là, pourquoi? Parce qu'on écrit à 80 degrés, baisse le chauffage. L'interpréteur de tout transformer ça en langage machine. Là, la machine, elle sait ce qui se passe. Mais le temps d'interprétation, c'est le temps perdu par le langage BASIC. Ce qui fait que c'est un langage qui est là. Présentement, l'être humain, c'est ce qui lui arrive. Quand l'homme, la femme, l'enfant est en contact avec son intelligence, avec l'intelligence, puis plus tard, on verra, ce qu'il y a au bout de ça, mais quand l'être humain a un contact avec l'intelligence, il reçoit de l'information, mais cette information-là n'est pas transmise sous le même langage que nous utilisons pour communiquer entre nous, ainsi que pour communiquer avec le monde des morts. Ça veut dire que le langage employé par l'intelligence n'est pas le langage utilisé par l'imagination, la pensée, la parole ou l'écriture. Donc, à un moment donné, moi, je suis en contact avec le monde des morts, puis je suis en train d'écouter ma télévision, puis subitement, il me passe une image en tête, flou, va donc chercher un cornet de crème glacée. Ça part. Fait que là, subitement, j'ai le goût d'un cornet de crème glacée. Moi, là, fait que là, je n'ai pas. Parce que là, c'est moi, que de l'astral, au moins qu'elle vienne me donner des idées d'affaires que j'ai, tu sais, mais elle me donne des idées d'affaires que j'ai pas. Fait que là, à la prochaine pause, je pars en courant, sors dehors, m'envoie chez Dairy Queen, puis là encore, m'a dit mon cornet de crème glacée. C'est le nouveau magasin? Je m'en viens courant avec, je peux le lire toujours parce qu'il fait chaud, je rentre dans l'or, puis j'ai manqué à moitié de bon. Mais on est manipulé. L'image est passée, j'ai vu, j'ai senti, j'ai eu le goût, j'ai entendu, mais la communication est claire, cornet. Quand c'est l'intelligence qui communique à travers l'homme, la femme ou l'enfant, il ne se passe pas ça. On n'a pas d'image, on n'a pas de sensation physique. Par exemple, une intuition supramentale, une intuition intelligente, ne te fera pas vibrer la colonne vertébrale. Ça ne veut pas dire que tu es un tu ne pas de même. Mais une intuition astrale, par exemple, comme par exemple, il y a un fantôme qui rentre dans la maison, là, puis tu as l'intuition, quelque chose comme ça. Là, tu le sens dans tes tripes, puis tu vas faire bien plus confiance à ce que tu sens dans la matière qu'à ce que tu sais sans le sentir. Je répète souvent que lorsque l'énergie, on va dire Dieu là, lorsque Dieu parle à l'homme, il descend au niveau de l'homme, puis s'arrête au plus haut qu'est rendu l'homme. Fait que si Dieu veut parler à un chien, il va aboyer Dieu. Pas le choix. Il descend au niveau du chien, rendu à ce niveau-là, la conscience de Dieu est une conscience de chien. Mais au niveau de l'homme, c'est vous là qui faites des interprétations. Au niveau de l'homme, la conscience de l'énergie divine doit arrêter aux plus hautes sphères de l'homme. Alors, une conscience d'homme. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus haut de votre conscience, ce n'est pas endocrinien. Ce n'est pas physique. Plus haut que vous avez, votre intelligence. Mais quand on a contact avec l'intelligence instantanée, avec l'Esprit Saint, ça arrête le plus haut de notre conscience. Fait que ça ne transparaît pas dans le corps physique. Fait qu'on ne parlera pas. On dit Dieu au niveau du chien, il jappe. Dieu au niveau de l'homme, il parle. Pas tout de suite. S'il y a un ajusteur de pensée, oui. Opérationnel. Là, il va être capable de parler, de phraséologiser ses affaires, inventer des mots s'il le faut, etc. Mais sans ça, il n'y a pas de... C'est même pas mémorisé. Eh non, c'est pas mémorisé non plus. C'est un peu comme, hey, là, je l'ai plus. Ben, c'est ça. Ah, mais là, il faudrait que je les écrive tout le temps. Ben non, ça va repasser. Ça se traduit par des l'intelligence qui passe, se traduit comment? Mais là, ce qui arrive, c'est qu'étant donné que l'être humain ne reconnaît comme ayant de la valeur que les choses matérialisables, l'énergie luciférienne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait en sorte de convaincre l'être humain qu'il est un être de lumière. Parce qu'il va le brancher en spiritualité. L'énergie satanienne fait en sorte de convaincre l'être humain qu'il est un être matériel. Parce qu'il va le brancher dans la matière. Les religions sont toujours conçues à partir des deux principes. Mais c'est deux... Tu es la poussière, tu retourneras à la poussière pour encourager un enfant à l'école, s'il dit, à un moment donné, il va comme ça. Mais ces deux énergies-là, est-ce qu'elles sont reliées à l'intelligence? Ces deux énergies-là sont totalement sous le joug de l'intelligence. Est-ce que les périodes critiques sont totalement sous le joug de l'intelligence ou de l'astral? Non. Même l'astral est sous le joug de l'intelligence. Donc, quand il arrive une merde à l'humain, c'est sous le joug de l'intelligence, c'est parce que c'est la plus esthétique façon d'amener un être qui est prisonnier de la matière à la lumière. C'est bien dit, hein? La plus esthétique façon, ça veut dire qu'il n'a pas compris avant. C'est pas une question de comprendre. Vous n'avez pas besoin de comprendre. L'humain n'a pas besoin de comprendre. Comprendre, là, c'est pas fort. Mais comprendre, ça n'a pas passé avant. Non, je sais bien, mais souvent on dit, là, j'ai compris. Deux semaines après, là, j'ai compris. Deux mois après, là, j'ai compris. C'est pas ça de bien comprendre. C'est pas ça qui est important. Ben, souvent, je dis qu'il y a des gens que vous avez rencontrés qui n'ont rien compris de leur vie, puis c'est des saints. Ils sont parfaits. Ils l'ont. Bon, mais qu'est-ce qui est important à ce moment-là? Qu'est-ce qui doit rester? Ton taux vibratoire. Ce que tu vis. Tu as rencontré... Ben ça, moi, j'appelle ça la compréhension. C'est extrêmement peu. Il comprends-tu? Il comprend rien. Oui, mais il sait. Et il est parfait. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'il y a plein de mémoires qui vont le réincarner, puis on va le transformer lentement. Là, bon. Mais c'est pas une question de comprendre. À un moment donné, il y a des gens que je connais, moi, qui sont merveilleux. Ils comprennent pas. Moi, j'ai une parole pour expliquer certaines choses parce que l'être humain a besoin de forme pour être capable, à un moment donné, d'accepter certaines nouvelles énergies. Bon. Mais la compréhension n'est pas une chose essentielle. Mais tu es heureux. Comment je fais? Je sais pas. Tu comprends pas pourquoi tu es heureux? Ah non. Mais quelqu'un va dire que si je suis mal, j'aime bien ça comprendre. Oui, c'est pour les gens comme ça que je parle. Là, oui, parce que le mal vient de la recherche dans la forme. Puis les mots que je vais amener, c'est de la forme. Fait qu'on peut arriver à court-circuiter la forme pour éliminer la forme. Puis quand on élimine la forme, ben là, il reste la conscience. Et le séminaire, par exemple, est un concentré d'élimination de forme pour qu'il reste la conscience. Mais est-ce qu'il y a des archétypes, un schéma qui fait qu'à tel ange, il y a des périodes critiques, à tel ange? Bon, ça dépend de l'être humain, ça dépend de sa réincarnation, ça dépend de son corps physique, puis ça dépend du milieu dans lequel il va s'émanciper, donc de sa famille, de la société dans laquelle il va aller. Étant donné que l'être humain, comme j'expliquais tout à l'heure, il ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est l'amour, donc il va numéroter l'amour, il va attacher de la valeur à l'amour, il va quantifier l'amour, je t'aime beaucoup, je t'aime énormément, je t'aime un petit peu, je t'aime pas pantoute. Puis là, dans le négatif, c'est « je t'aime ». C'est de l'amour. Ouais, tu peux pas aimer quelqu'un que tu n'as pas aimé. C'est de l'amour. Alors, l'être humain va mettre des valeurs. Et le problématique, c'est que l'être humain, chaque fois que l'être humain se regarde lui, ce qu'il est instantané. Et ce qu'il est instantané, échappe continuellement et complètement aux valeurs. De ce fait, un être humain qui n'est pas conscient qu'il ne peut pas s'aimer en fonction du retour de l'extérieur, ne s'aimera pas. Puis comme l'humain n'est pas conscient de cette mécanique, l'humain ne s'aime pas. Puis là, je ne parle pas des gros égaux là, qui viennent se vanter, etc. Ils aiment certaines choses aux autres, mais fondamentalement, ils ne s'aiment pas plus. Non, mais le client de même, il ne s'aime pas, c'est sûr. Ben ça, c'est évident, c'est pas, t'sais, bon. Alors, l'humain ne s'aime pas. Et ce qui arrive progressivement, vu que l'humain ne s'aime pas, l'humain essaie sans arrêt de rechercher une valorisation. Puis la valorisation, c'est ce qui va amener lentement l'humain à l'expérience et à l'assujettissement aux forces luciférienne et sataniennes. Donc l'enfance, quand il vient au monde, ça va bien. Puis à un moment donné, quand il va commencer à vouloir s'évaluer, puis c'est pour ça qu'on a un contexte éducationnel qui est assez problématique, que ce soit au niveau de la compétition, de la revalorisation, etc. Il n'y a pas de saine compétition. Compétition, c'est toujours un problème. Alors, lentement, l'enfant finit par vouloir s'évaluer. Donc, il va se comparer à l'extérieur. Progressivement, il va commencer donc à être sous le joug des forces spirituelles pour échapper aux forces matérielles, des forces matérielles pour échapper aux forces spirituelles. Ça tue son intelligence. Ça coupe, en tout cas, avec son intelligence. Et lentement, l'humain va vivre de l'expérience de réincarnation, l'expérience de ses parents, l'expérience du contexte au complet, jusqu'à temps qu'il arrive à l'adolescence, c'est féminin, masculin. Et puis, par la suite, ben là, il va continuer à vivre sa vie d'adulte à travers un paquet de périodes critiques. Ces périodes critiques-là dépendent du niveau de conscience de l'individu au départ, du milieu dans lequel il se trouve. C'est évident qu'une personne qui se conscientise, qui arrive à une phase critique de sa vie, peut facilement dire, puis il y a plusieurs qui l'ont déjà dit, puis il y a d'autres qui vont dire encore, « J'étais mauditement mieux avant de me conscientiser. » J'étais mauditement mieux quand je n'étais pas conscient. C'est un point de vue. Ben, surtout quand tu regardes, tu trouves qu'ils sont mieux qu'ils étaient avant. Moi, la plupart du monde qui me dit ça... Si tu regardes l'autre qui se plaint, tu la trouves mieux qu'avant. Ben oui, rien de plus. Mais elle va dire qu'elle était mauditement mieux avant de se conscientiser. Pourquoi? Parce que maintenant, vous êtes pris avec un problème. Vous avez des yeux. Ah, un petit peu ouvert. Un maudit problème. Là, j'ai des yeux. Là, je me rends compte de certaines choses qui avant m'étaient très tolérables, ou qui avant ne me dérangeaient pas, ou que je n'avais jamais vu. Je me rends compte que c'est pas ça. Il y a un maudit problème. Et plus l'être humain va se conscientiser dans la fin du 20e siècle, plus il va se rendre compte que... Il va se rendre compte, en tout cas, de quelque chose comme « Je ne suis pas sur la bonne planète. » En tout cas, ben non, il y en a 5 milliards qui ne sont pas sur la bonne planète. C'est moi ou un autre, là? Habituellement, il dit « Je ne suis pas sur la bonne planète. » On entend ça plus souvent que l'inverse, là. Puis ça, c'est... Donc, ça, c'est une... Il est dans la plus grosse phase de sa période critique, dans celle qui est la plus consciente. Non, c'est pas la plus grosse phase. Tu recherches la souffrance. La grosse phase. Pourtant, il me semble que je la fuis en courant. C'est la grosse. Non, si je parle de la grosse, tout de suite, on va décourager tout le monde. C'est vrai. Puis on ne saura pas quoi dire à l'autre. C'est bien important, je répète. Non, je pense pas que c'est notre problème, non. Je répète qu'une phase critique n'est pas nécessairement une phase douloureuse, mais jusqu'à date, ça a toujours été ça. Bon. Chaque fois que l'être humain a eu une phase critique, c'était une phase douloureuse pour la majorité. En tout cas, si c'était pas pendant, c'était après. Puis ça a souvent été une phase où ils ont planté. OK, bon, ben, je vais vous donner des exemples. C'est parce qu'on est sûr que finalement, les deux mondes, c'est réel, c'est avec des illusions. Ben, c'est sûr que c'est des illusions. Ben c'est pour ça, c'est les phases critiques. Ben la phase critique, c'est quand tu te rends compte, effectivement, qu'une partie de ta réalité est une farce, c'est une illusion, un mensonge cosmique. Mais là, l'humain va rechercher immédiatement un autre mensonge. Fait qu'il va donc être capable de s'agripper à la science, à la matière, à l'argent, à la pègre, à une autre religion, à une science philosophico-religieuse, aux extraterrestres, l'humain va s'accrocher à n'importe quoi. Mais j'en reviens à la question de tantôt. Quand l'intelligence est dessin, ça se traduit comment? Quand l'intelligence descend, ça se traduit par une mécanique assez subtile qui fait que vous savez. Et le problème qu'il y a, là, c'est si je te dis, à un moment donné, tu le sais. Oui, mais tout le monde sait. Tu vas me dire, je le sais. Tu vas dire, oui, tu le sais. Tu vas me dire, je sais quoi? Qu'est-ce que je sais? Fait que là, tu le sais, ce que tu sais. Peut-être là. Et c'est plate, j'en sais qu'il y a un gars de même. Oui. Qu'est-ce que je sais? Tu le sais. C'est chalant en maudit. Mais c'est ça. L'intelligence, là, tu le sais. La problématique, c'est que l'humain n'étant pas suffisamment solide physiquement, on pourrait dire, disons, n'étant pas suffisamment entraîné. Non manipulable. Ben, l'humain n'étant pas manipulable, l'humain, c'est ça, l'humain n'est pas suffisamment non manipulable, l'humain n'est pas suffisamment entraîné, l'humain n'a pas la capacité encore, présentement, de traduire l'information de son intelligence en mode forme, en mode mémoriel, pour être capable de l'utiliser avec son ego efficacement dans le monde actuel. Regardez ce que ça veut dire. Historiquement parlant, chaque fois qu'un être humain a eu un contact un petit peu plus puissant avec l'intelligence, il y a eu un peu plus de conscience, paf, là, qu'est-ce qui est arrivé? Il a su des choses. La majorité de ceux-là n'ont pas été capables d'ajuster leur contact avec le monde dans lequel ils vivaient, donc ils n'ont pas pu être efficaces. Alors, ils sont morts crucifiés, ils sont morts brûlés, éteintés, etc. Bon. C'est encourageant, ça. Oui, non, c'est sûr, mais c'est dans le passé. Aujourd'hui, c'est la chaise électrique, c'est les balles. C'est plus moderne. C'est toute une crise, en tout cas, toute une période de crise, la tête coupée. Ça, mais ça, c'est pas une période critique, ça, c'est une période finale. Non, mais c'est quand même une nuance. En tout cas, tu ne souffres plus, là. Tu es plus. Surtout quand tu souffres plus du tout. Mais quand tu te manques, sa chaise électrique, là. Non, mais après 4-5 fois, là, des fois, le feu pogne après la tête. Bon, on parle d'autre chose. À partir de là, tu es au courant, tu peux commencer. Finalement, c'est parce qu'il faut savoir ajuster ce qu'on sait, là. Il faut savoir l'ajuster dans le monde dans lequel on vit. Bon, je vais te traduire un peu ce que tu dis là. C'est correct ce que tu dis là. Il y a une expérience que je faisais faire à un moment donné à des élèves qui suivaient le programme Maître Contrôleur. L'expérience, c'est qu'on les met sur une surface, un grand tapis. Les élèves avaient pratiqué un peu de leur thème, l'entraînement de l'intelligence en mouvement, une forme de technique de combat. Combat avec soi-même, là, mon combat qui fait prendre l'eau. À un moment donné, ben là, on leur dit simplement, c'est simple, il y a quelqu'un qui va approcher de toi, tu fermes tes yeux, on mettait un bandeau pour être sûr, parce qu'on n'a pas confiance. Et puis, quelqu'un va approcher de toi, quand il va te toucher, toi tu fais un mouvement, mettons, puis tu débarrasses de l'autre. Parfait. Fait qu'on essaie que ça, je te bang. Essaie que ça, je te bang. Essaie ça, je te bang. Parfait. Puis à un moment donné, je lui explique comment se paradisier. Ça veut dire comment centrer ses corps. Alors, son corps physique devient paradisier, technique de respiration. Son corps vital devient paradisier, il vient se centrer chez lui. Son corps astral se paradise. Son corps mental se paradise. Là, il est bien! Là, il est bien! Là, tu poses la question doucement, là, pour ne pas le casser. Là. As-tu chaud? Non. As-tu froid? Non. Tu pars? Non. Y a-tu un problème? Non. Il est parfait. Je suis correct. Quand quelqu'un va te toucher, tu te plantes. Oui. Là, quelqu'un, je suis en train de lui, ma main sur l'épaule, puis l'autre, il bouge pas. Il bouge pas. Il est paradisié. Il est au bout. Mais totalement inefficace, la planète, par exemple. Mais s'il traverse la rue, il marche de même, il va se faire tuer. Par un camion. C'est ça, la plus grosse difficulté, c'est quand on sait. C'est comment on l'applique dans un monde de bon, mais c'est plate qu'est-ce que tu viens de dire, là. Hein? C'est plate qu'est-ce que tu viens de dire. Pas plate, c'est vrai. C'est la vie. Mais oui. Oh, mais j'arrive à avoir plate. Non, mais il doit avoir un moyen d'ajuster ça pour que ça soit efficace. C'est quoi? Ajustant. Non, mais on va parler de donc, ça. Là. Ce que j'explique, c'est que chaque fois que l'être humain a eu un contact avec un peu d'intelligence, il n'a pas su devenir efficace avec. Posons-nous la question. Comment ça se fait, par exemple, que Noé, qui a su tant de choses, bon, ben, il est mort quand même. Comment ça se fait que Moïse, Abraham, toute la gang, là, puis il a fait Siddhartha Gautama, puis il a eu un truc à d'autres. Non, mais, puis toute la gang, là. Comment ça se fait que toute cette gang-là au complet, en contact avec l'intelligence, t'es Bouddha, tu sais, qui est tout maigre à un moment donné, là, on voyait sa colonne vertébrale par en avant. Jésus, tu sais, il souffert, etc. Pierre, après, la gang crucifiée à tête en bas. Puis on continue comme ça sans arrêt. Tous les saints de l'Église, c'est des martyrs. Tu sais, il n'est pas un moment donné. Mais ils n'ont jamais. Genre, puis qui se promène dans le monde. Ils commencent à leur expliquer la médecine. C'est arrivé à un moment donné. Il arrivait là, puis il guérissait du monde. En 1408, il guérissait du monde, une fille. On l'a brûlé. Ben oui. C'est le diable qui a manipulé. Mais imaginez-vous. Alors que si elle avait été capable de se rendre efficace, elle aurait guéri le monde, mais avec la bébé du bras, avant. Ça, le monde aurait de ses dieux qui l'a. Ouais. Là, il allait pas de bébé, rien. Il m'aurait besoin de ses deux mains, tu sais. C'est pour ça que je dis que c'est extrêmement important de comprendre, d'utiliser. De savoir s'ajuster. Oui, mais c'est ça. La partie 1 finit là, on va venir que la partie 2. Mais c'est extrêmement important de comprendre que comment on doit faire pour être capable de se servir de l'intelligence. Pas se casser le nez. Mais c'est sûr que ça fait comme plate, on finit là-dessus là, mais c'est Non, mais c'est la partie 1, ici. On prend une pause.